À l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, le maréchal Kim Jong-un a reçu les messages et lettres de félicitations de divers pays. Le président du comité central du Parti communiste centre-uni du Népal, le secrétaire général du Parti unifié national malaï de Malaisie, le secrétaire général du comité central du Parti socialiste du Bangladesh et autres dirigeants de partis politiques syriens, cambodgiens, kirghizes, indonésiens, allemands, russes, finlandais, britanniques, espagnols, égyptiens et vénézuéliens ont fait parvenir les messages et lettres de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Par ailleurs, le secrétaire général adjoint du Parti Baas socialiste arabe, le secrétaire général adjoint du Parti islamique uni de l'Iran, le co-administrateur général du Conseil du Fonds Kim Il-sung, Kim Jong-il et autres personnalités des milieux politiques, sociaux et économiques russes, chinois, birmans, mongols, pakistanais, norvégiens, danois, tchèques, polonais, autrichiens et équatoriens, ainsi que les représentants des institutions internationales, des organisations d'études, des Zedujutsu et des formations d'amitié et de soutien à la réunification coréenne, lui ont fait parvenir également les messages et lettres de félicitations. Les destinataires ont noté que les grands mérites du général Kim Jong-il accomplis pour la patrie, le peuple et l'émancipation du monde resteront toujours dans le cœur de l'humanité progressiste. Ils se sont montrés convaincus des grands succès du Parti du Travail de Corée et du peuple coréen dans l'application de la décision du 7e congrès du parti sous la direction éminente du maréchal Kim Jong-un.